matins d'hiver, les mêmes yeux mal ouverts, les mêmes détresses, les mêmes genoux griffés pour trouver à l'arrivée la même maîtresse. On se répétait sans cesse, ami, ami, contre tous les coups du sort de la journée, on sera deux, ami, ami, à la vie comme à la mort, plus emmêlés que nos cheveux. Quand trop vite on a grandi, on se retrouve transi, loin des jeux de billes. Sous nos boutons de malheur, à se torturer le cœur pour la même fille. Est-ce assez pour qu'on oublie, ami, ami, on a le sens de l'humour quand sont trop lourds ces chagrins-là, ami, ami, à la vie comme à l'amour, chacun son tour les portera. Tant d'histoires partagées, de coups de cœur échangés, d'amour et d'insultes, pour ne pas s'apercevoir qu'on est 10 ans sans se voir dans tout ce tumulte. Pour se retrouver adulte, ami, ami, on n'a plus rien à se dire, on a fini à arriver, ami, ami, doucement à devenir deux abrutis, deux étrangers.